L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Comme Israël, dans les déserts, s'est nourri de la manne, Jésus est pour nous la manne cachée, révélée dans ce temps pour notre salut. Chasser nos stress, double portion pour le sabbat, grâce abondante dans le combat. Devant ma porte tombée du ciel, chaque matin une dose nouvelle, cachée autrefois dans l'arche de l'alliance, révélée aux humains. Dans les rues de Galilée, pain au miel, un secours au bout du ciel, suffisante, l'action du Tout-Puissant, pain au miel, un secours au bout du ciel, suffisante, l'action du Tout-Puissant, manne rouge, Jésus la manne cachée, manne rouge. Sur le pain du jour, manne, ce cri d'étonnement, elle vient d'où? Elle étonne tellement. Pour l'eau avalée comme est du miel, tourmente nos entrailles et nous change. Bonne nouvelle qui mène au ciel, parole pure sans mélange. Aux heures où on est sans espoir, au milieu de nos déboires, Jésus-Christ se fait un devoir de nous faire goûter sa gloire, pain au miel. Jésus, un secours au bout du ciel, suffisante. Oh oui, oh oui, l'action du Tout-Puissant. Le pain du jour, pain au miel, Jésus, un secours au bout du ciel, suffisant. Oh oui, l'action du Tout-Puissant, pain au miel, Jésus, un secours au bout du ciel, suffisant. Oh oui, oh oui, l'action du Tout-Puissant, manne rouge, Jésus la manne cachée, manne rouge. Sur le pain du jour, manne rouge.